m'emmerdais quand j'allais bosser à mon taf dans le bus. Pas de musique, juste du bruit, ça m'use plus que ça m'amuse. Et un beau jour, je suis tombé sur cette tablette blanche. Elle m'a coûté les yeux du bras avec la manche, mais ça me va. Oui, c'est sexy, le côté MP3, dans une boîte avec un écran blanc sur noir. C'est comme si j'étais un mec à la mode, avec mon iPod. Mon iPod. Mais ce truc c'est pas assez, il m'en faut un autre en plus. C'est alors qu'ils ont inventé un nouveau truc de plus. Un truc qui en plus de faire de la musique, il peut faire téléphone, Game Boy, c'est fantastique. Et ça me va. Oui c'est sexy d'avoir un phone comme ça. Je l'ai jailbreaké pour qu'il soit encore plus hard. Avec ça, je m'en ferai des bonnes avec mon iPhone. What this device does is extraordinary. You can browse the web with it. It is the best browsing experience you've ever had. It's phenomenal to see a whole web page right in front of you and you can manipulate with your fingers. Unbelievably great. Way better than a laptop. Way better than a smartphone. And you can turn iPad any way you want. Up, down, sideways, it automatically adjusts however you want to use it. And again, to see the whole web page is phenomenal. Right there holding the internet in your hands. It's an incredible experience. Oui, c'est sexy d'avoir un ordi comme ça. Pas le clavier, juste les doigts et puis voilà. Oh baby, je crois que je me suis fait avoir avec mon iPad. Avec mon iPad. Avec mon iPad. Oh baby, je crois que je me suis fait avoir avec mon iPad. Avec mon iPad. Oh baby, je crois que je me suis fait avoir avec mon iPad. Avec mon iPad. Oh baby, je crois que je me suis fait avoir avec mon iPad. Avec mon iPad.